une histoire particulière. Parfois, le mot Rome s'écrit Rome avec deux R. Et parfois, Tzigane s'écrit Tzigane avec un S. On les désigne en français sous les noms de gitans, bohémiens, manouches ou romanichels, selon les pays d'où ils sont supposés venir, ou encore gens du voyage. De nombreux contes poétiques de la tradition orale circulent sur l'origine des Roms et font partie de leur tradition. Certains en font des descendants de la divinité hindoue Rama et même de Cham, fils de Noé. Loin d'être un conte, c'est une histoire vraie peu connue que Claire Pouliborgeau et Angélique Thibault vont vous raconter maintenant. Qu'ils soient sédentaires ou nomades, ce que l'histoire doit retenir, c'est qu'ils se considèrent comme formant un seul peuple. On n'aurait pas dû s'arrêter, nous. On avait le carnet forain. Comme on avait le cirque, le cinéma, on payait les impôts. On ne sait pas pourquoi. On n'aurait pas dû se ramasser, nous. Parce qu'on était en caravane, c'est tout. C'est les Français. Qui disent pas que les Allemands, c'est faux. Moi, j'ai resté un an là-haut. Hein. Il y avait le château, les Allemands étaient dedans. Jamais ils sont venus nous voir ou n'importe. Ils s'occupaient pas de nous. C'est bien les Français là, qui nous gardaient. Hein, la police et la gendarmerie de Montlhéry, le commissariat d'Arpajon, c'est eux qui nous gardaient. Eux, ils ont pas trié, hein. Tous ceux qui avaient les caravanes, hein, ils les ont mis dans les camps. Ouais. Alors. Vous pourriez peut-être vous présenter. Je suis là, je suis présent. Bon, ben, je m'appelle Raymond Guérin. Je vais vous raconter l'histoire pendant la triste guerre de 40. Résistance Tzigane. Premier épisode, l'histoire particulière de Raymond Guérin. Une émission de Claire Pouliborgeau et Angélique Thibault. Dans les bois, qu'on est sanglier. On n'a pas de voisins, on est bien. On vous suit. Ah, tu vois, la baraque, je l'ai montré à peu près comme la baraque des camps. Là. Donc votre baraque, elle a la forme de la baraque des camps. Ouais, ouais, sauf qu'elle a une cheminée. Mais pourquoi vous l'avez fait comme celle des camps? Eh bien, pour pas. Voilà, pour. Comme ça. Je peux pas dire. Je sais pas. Bon. Oui. Alors ça c'est ma trompette, là. La trompette, là. Quand on avait le droit aux instruments, hein. Les Roms, tout ça, ils ont le droit aux guitares, aux violons, hein. Enfin, de la musique, parce qu'on n'avait rien à manger. Ouais. Et vous en jouez encore de la trompette? Je peux plus. Puis... Faut avoir du coffre. Ouais, le souffle. Oui. Là, c'est toute ma famille, là. Vous voyez les caravanes, là. Là. Ah oui. C'est du côté de mon père. Donc, du côté de votre père, c'était des forains Circassiens. Circassiens. Cirque. Acrobates, chanteurs de cabaret. Des gens du spectacle. Ouais. Vous vivez ici en patriarche. Oui, non. Bah, tous mes enfants, là, ils viennent... Ils viennent voir si je ne suis pas les pattes en l'air. Et là, c'est ma sœur. Elle manque à rentrer dans le camp. Elle avait quel âge? 16 ans, je crois. Et elle s'est dit avant de rentrer dans le camp. Ça. Enfin. Donc ici, on est dans votre caravane? Oui. Je suis né dedans, là. Oh, tu vois, j'ai déjà un lit pour dormir, et toi, c'est déjà beau. Hein. Oui. Oui, enfin, c'est du passé. Hein. Dans ma famille, on a tous suivi votre livre et on vous respecte. Ouais, ouais. Vraiment respecté. Ouais. Bah, ils l'ont été aussi dans les camps, mes grands-parents, ouais. J'ai connu une grande-tante qui était dans les camps aussi, ouais. Ouais, je l'ai connue. La tante à mon grand-père. Et ma mère, c'est une Winterstein. Ouais, c'est la famille de Ziegler, hein. Ziegler, ouais. Ouais, ça. On est du côté de Metz, nous. Ouais, ouais, d'accord. Une yéniche. On est yéniche, ouais. La belle époque, quoi. La belle époque, je sais pas, mais... Ma grand-mère, elle faisait le cirque. Ah, nous aussi. Ouais, aussi, famille Wittmann en Allemagne. Moi, quand mon père, avant qu'on soit arrêté, là, je les ai clowns acrobates. Ouais, ma grand-mère, elle avait des chevaux, il faisait le cirque aussi. Bah oui, ouais. Et j'ai les vieilles photos du cirque, tout à l'extérieur, et des vieux machins en bois, tout ça, ouais. Ouais. On a les vieilles photos, quoi. Moi, je les ai clowns acrobates. Là, j'ai les vieilles photos de mon grand-père. Mon frère était acrobate musicien. Ma sœur était acrobate musicienne aussi. Et mon autre petite sœur, elle jouait des cymbales. Tu chantes bien, ouais. Je chante des musiques de jeunes, je sais pas si ça vous plaira. Et une autre sœur, elle joue du tambour. Ça fait qu'on met la musique nous-mêmes, quoi. Mais que mon père jouait du trombone, on l'appelait dans les balles, partout. Bon. Puis on voyageait de pays en pays, on appelait la Suisse, la Belgique, la France, avec le cirque. Puis enfin, on est venu, on a habité à Saint-Denis avant. Puis mon père avait fait la guerre 14-18. Et il avait été blessé et gravé. Alors il était tombé malade, alors on a resté peut-être une année là. Et puis on a repris le voyage. En 40, là, le 4 octobre, mon père il avait fait faire un panneau là, parce qu'on était, le terrain était au bord de la route. Et c'était au moment que les gens ils remontaient chez eux, là, la débâcle. Là. Alors les gens, les Allemands étaient là, ils remontaient en Belgique, dans le Nord, quoi. Et... Alors mon père l'avait fait faire un écriteau. Celui qui veut venir dormir en dessous du chapiteau, il peut venir. Ouais. Pour pas qu'il couche dehors, il couchait en dessous du chapiteau, quoi. Et le soir, il vient le 3 octobre, là, il dit aux gens qui étaient dans le chapiteau, « Tenez, je vais vous passer un film. » On a passé le film, c'était le dernier qu'on a passé, quoi. C'était la Troïka sur la piste blanche. Alors... Mon père, comme il tournait la manivelle, il expliquait, parce qu'il y avait beaucoup de gens, ils ne savaient pas lire et écrire. Hein. Ouais, puis comme il avait dit, tiens, voilà le pire cinéma, va. Il était heureux. Hein. Alors il demandait des nouvelles, comment que ça allait dans les villes, quoi, parce qu'il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Alors mon père leur expliquait tout. Enfin, c'était la belle vie, quoi. Et le 4 octobre, là, bon, ils sont venus, les flics, là, et puis ils nous ont ramassés, quoi. Le 4 octobre 1940. Oui. Et ils sont venus, voilà, ils sont venus à 6h du matin. Ils sont venus taper dans les caravanes, aller debout là-dedans, où il est monté votre chapiteau, et puis ils voulaient nous suivre. Alors mon père dit où ? Vous suivez où ? Il dit c'est un ordre, on exécute. Bon. Alors, et puis il y en a un qui dit à ma mère, comme ça, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Elle dit, hey, moi je ne t'ai pas appelé, hein. Alors ça changera qu'elle donne à déjeuner à mes enfants. Enfin, on était obligé de démonter et puis les suivre, quoi. Ouais. On est parti vers 7 heures de la gare de Bessonville. On est arrivé là, il était près de 10 heures du soir. Parce que les locomotives, ils ne roulaient pas comme maintenant. Hein. C'était... On est arrivé là, bon. Alors, pas à manger, pas à boire de la journée. Les petits gosses, ils pleuraient, ben, ils n'avaient pas de lait. Bon. Ils ouvrent les wagons, il y avait deux rangées de policiers puis de gendarmes, quoi. que j'ai cité. Ils ont fait descendre et puis ils nous ont emmenés jusqu'en haut, là, de la gare de Bretigny jusqu'en haut. Ils ont fait passer dans les bois, hein, dans les champs, pour que personne ne nous voie, quoi. Alors un coup de matraque et puis un coup de crotte dans les reins. Puis fort, hein, qui tapait, hein, pour les faire. Alors ça fait qu'on a sauté les plis, on s'est battu avec, mais c'est trop. Il y avait pas mal de jeunes. Hein. Il y avait même des petits comme ça qui sont battus avec les plis. Ils leur mordaient dans les jambes. Oui, enfin, ouais, on ne rigolait pas à l'époque. Hein. Bon, on arrivait le soir, les paillasses, il n'y avait pas de paille, il n'y a rien dedans. On a tapé qu'on a couché carrément sur le bois. Là. Alors le matin, quand on a vu les ballots de paille, on a demandé pour remplir les paillasses. Ça fait qu'on a rempli les paillasses de paille. Moi, j'ai resté un an et quelques, là, à Montlhéry. La paille n'avait jamais été changée. Toujours la même paille. Mes parents, ils ont resté 2 ans. Toujours la même paille. Et à force, les affaires, les femmes, elles ne peuvent rien se mettre. Alors, ils coupaient les couvertures et puis les paillettes pour faire une jupe. Voilà. Alors, après, on couchait carrément, carrément sur le bois. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous vivez tout près du camp de Montlhéry, là où vous avez vécu toutes ces choses terribles. Oui. C'est pas trop dur pour vous d'avoir ça Non, ça me... Quand je sors, je regarde, je vois mes parents qui tournent quand ils étaient encore. Et je les vois encore maintenant. Hein. C'est gravé. Hein. Ouais. Et vous êtes revenu vivre ici? Oui, je sais pas. Ça m'attirait. Ça fait 50 ans que je suis là. J'ai arrêté déjà le voyage pour les gosses, pour les mettre à l'école. Et je suis resté là, quoi. Voilà. J'ai rencontré Raymond Gurem au printemps 2010 parce que Pierre Chopineau, un de mes amis de l'association La Voix des Roms, se souvenait d'avoir entendu parler un vieux monsieur d'une vie de résistance. Et donc on allait le voir chez lui à Saint-Germain-les-Arpajons un soir et on l'a trouvé dans sa caravane pour la première fois là-bas. Son histoire raconte à la fois le drame de l'internement des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale en France, mais aussi tout cet aspect de résistance qui est méconnu, occulté, et ses témoignages, ses interventions publiques ont fait, au sein de la communauté des voyageurs, mais même au-delà, des jeunes, les Roms, les Manouches, les Gitans, ou même les non-Roms, les non-Gitans, un personnage héroïque dont les jeunes s'inspirent pour revoir les dangers du futur à arriver avec confiance et courage. Hein. Vous voulez un café ? Volontiers, merci. Ouais. Ah bon ? Ouais. Et du camp de Montlhéry, vous vous êtes évadé 2 fois ? Oui, la première fois avec mon frère, on a été réfugié à Saint-Marc, dans le Seine-et-Marne. Et le maire du pays, le maire, il dit à mon cousin, on va écrire pour faire venir un acte de naissance pour que je puisse leur donner des cartes d'alimentation. On a attendu une semaine, quoi. Puis le matin, à 6h, toc toc, le maire d'où je suis né, puis que mon frère est né à la nuit, là, ils ont envoyé les flics, quoi, à la place d'envoyer l'acte de naissance. Alors ils nous ont mis une chaise aux pieds, là, et une chaise aux pieds à mon frère. Et ils nous ont ramenés au camp. Ouais. Ouais. Alors après, ils nous ont enlevé les chaînes, ils ont mis un mois au cachot. Alors le cachot, c'était un bout de pain et une gamelle d'eau tous les 3 jours. Et les menottes dans le dos, nuit et jour. Ça, c'était la première fois. La première phase d'internement, qui a consisté en un ordre des autorités de la Troisième République finissante, donc aux autorités locales d'interner tous les nomades, entre guillemets, qui était le concept administratif qui désignait les gens qui avaient un mode de vie itinérant. Et donc suite à ces ordres, les autorités locales ont trouvé les lieux près d'eux les plus adaptés pour y mettre les gens une fois qu'ils les avaient identifiés, ce qui était rendu facile par le carnet anthropométrique. Et les gens étaient enfermés dans ces lieux-là. Donc l'autodrome de Lina-Montléry, qui était comme une sorte de stade, était un lieu parfait pour enfermer des gens. Mais dans d'autres endroits, ça a été des carrières, des chantiers, ça a pu être des hangars, des usines. Mais ensuite, à partir de 1942, les autorités allemandes ont commencé à réfléchir à coordonner l'enfermement et le sort des tziganes, entre guillemets, de toute l'Europe. Et des ordres sont arrivés en France de rationaliser l'internement des nomades, entre guillemets, encore une fois, dans le cadre un peu de ce plan des nazis de organiser plus efficacement partout en Europe cet enfermement, avec ensuite l'ordre de l'extermination raciale des tziganes par les nazis. Elle est surtout mise en œuvre en Europe centrale et orientale, mais aussi en France. Donc à partir de là, les gens ont été rassemblés dans quelques camps beaucoup plus grands et organisés très différemment, comme le camp de Montreuil-Bellay, où la famille de Raymond Burem, après qu'il se soit lui échappé, a été enfermée aussi. Moi, je vais vous dire une chose, c'est tout ce qu'il raconte, c'est faux. Parce que c'est pas les Allemands qui nous ont ramassés, c'est les Français. Hein, la police, la milice et tout. C'est eux. Moi, j'en veux pas la France. Quand on me dit, j'en veux pas la France, c'est mon pays. Hein, malgré qu'on me dit, tu veux être tranquille, retourne dans ton pays. Je suis né à 25 km de Paris. Ma mère est française, mon père est. Hein, j'allais où, moi? Mon pays, c'est la France. Moi, j'en veux toujours au gouvernement de l'époque. Ces événements sont méconnus. Alors bon, sous deux aspects, il y a le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale est méconnu parce que les communautés roms, des gens du voyage, des gitans et des manouches sont très largement méconnus sous tous leurs aspects en France, sinon sous l'aspect du folklore et de l'exotisme un peu colonial, disons, ou de la fantaisie. Mais les réalités historiques sont très méconnus parce que les communautés aussi sont discrètes d'une part, et puis parce que la discrimination aussi et les relations conflictuelles avec les pouvoirs publics font que connaître ces histoires, c'est aussi connaître l'histoire d'une oppression, d'une conflictualité, et que c'est pas évident pour les pouvoirs publics ou la mémoire majoritaire, sauf si elle y est forcée d'elle-même, faire cette mémoire qui la placerait en situation de culpabilité, comme ça a pu être fait avec l'antisémitisme en France, où il y a eu quand même tout un travail de sensibilisation venant des victimes ou des familles des victimes, qui a forcé la société dans son ensemble à prendre conscience de sa propre culpabilité. Ce qui n'est pas le cas avec les communautés roms, des gens du voyage, parce que sans doute, c'est des groupes qui n'ont pas la même stratégie publique ou pas les mêmes capacités aussi de produire de la connaissance, de faire du plaidoyer public, en raison aussi des métiers qui sont exercés traditionnellement, qui ne sont pas forcément des métiers de discours ou des métiers de... Mais des travaux commencent à être faits et révèlent qu'il y a eu un phénomène assez massif de comportement de résistance pendant toute la guerre. Et la raison pour laquelle moi je m'étais intéressé à Raymond Burem il y a maintenant 8 ans était justement pour surmonter ce récit historique sous tout l'aspect victimaire, pressentant qu'il y avait forcément des actes d'engagement politique, de résistance. Et maintenant, effectivement, 8 ans après, on se rend compte que les archives en France sont pleines de consignations, d'actes d'insurrection dans les camps. Et c'est des choses qui doivent maintenant être rendues publiques. Oula. Bon, je m'appelle François Lacroix, et je fais partie d'un collectif qui s'est créé en 2010 autour de l'internement des tziganes et gens du voyage dans l'Essonne. Il y a un déni, il y a un refus de parler. C'est quelque chose de pendant longtemps qui a été caché, qu'on ne veut pas voir. C'est un peu comme les gens du voyage, on préfère ne pas les voir. Donc en ce qui nous concerne, nous, bah heureusement, il y avait Raymond qui voulait parler. Et depuis, il n'a cessé de parler, il ne veut plus s'arrêter de parler. Voilà. Peut-être qu'il l'aurait fait avant, mais il fallait qu'il parle à d'autres pour que ses enfants puissent écouter. C'est comme ça qu'il a parlé à ses enfants, par l'intermédiaire des autres. Alors pas la deuxième fois, c'était un petit gauche, là, un petit gisson, quoi, ou un petit romano, ou appelez comme vous voulez, parce qu'on les appelle de tous les noms. Alors. Bohémien, bon, ça ne nous fait rien, nous, hein. Ils peuvent nous appeler comme ils veulent. Hein. Et vous appelez comment? Ben nous, on n'est pas des gitans, on est des manouches. Bon, c'est encore autre chose, mais c'est la même racine. Alors. C'est pareil, que ce soit un gitan, un manouche. Alors, il passait, hop, il mangeait vite sa soupe, il essayait de repasser pour avoir une deuxième part, quoi. Il y a des gardiens qui les voyaient, ils disaient rien. Mais il y en a qui l'a vu. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il te répond, le gamin? S'il est là, c'est qu'il a faim. Ah, il veut du radio. Il prend la louche en ferraille. Il en met un coup sur la tête. Le gamin a tombé par terre. Moi, je vois ça. J'ai mis un coup dans la gueule. Voilà. Un bois de cachot. Et avec le bout des mozzards, c'est pointu. Et comme la porte était en planche, elle était en bois, avec le bout des mozzards, j'ai gratté. Alors j'ai mis au moins une semaine pour enlever les mozzards. Bon, j'ai mis un peu d'eau qui marchait, j'ai mis dessus, puis hop, j'ai tiré tout ça là. On voyait les os, tout ça là. Alors j'ai repris, clac. Vous avez retourné la peau. Ouais. Tout ça là, vous voyez, les veines s'est coupées, tout ça là. Vous voyez, je suis reparti, j'ai grimpé dans un arbre. J'ai pu me passer la nuit dans l'arbre. Et le matin, ben, je suis parti à l'arbre. Il est encore là, François? Ouais. Oui. Après, j'ai su que mes parents étaient à Meaux-sur-Velay. Parce qu'ils ont fait quatre cons, mes parents. Alors, j'allais leur porter à manger aussi, là-bas. Mais c'était la nuit. C'était la journée, on ne pouvait pas. Alors, je passais à Traverson, j'enjais le chemin de fer, et je jetais le manger par-dessus les barbelés, quoi. Hein, ils crevaient de faim, les pauvres malades. Ouais. Puis après, un gardien, il m'a vu. Je me retrouve le fusil du gardien, quoi. Alors, mort, ça, non, j'ai pas de fusil. Puis, j'ai foutu 3-4 coups sur la tête et j'ai pris le fusil, je l'ai cassé sur le chemin de fer, puis hein. Après, je pouvais plus y aller. Vous êtes un spécialiste de l'évasion. Moi, je me suis évadé au moins 10 fois dans tout. Je suis même évadé d'Allemagne. Alors là, le premier coup, je me suis évadé qu'un Italien et un crochet. Mais on se perd dans la forêt noire. Alors, une semaine perdue dans la forêt. Hein. Alors, pas à manger, pas à boire. On a tombé sur les petits jeunes, comme ça, la jeunesse syrienne. Ils ont commencé à être violés. Après, il est venu les grands avec les revolvers, tout, alors. On s'est pris. Il y en avait un, à chaque coup, il passait à côté de nous. Il disait Schnell. Alors, Schnell, ça veut dire bite. Alors, moi, j'ai eu ta gueule. Bon. Schnell, ta gueule. Il y a l'interprète qui vient, il me dit vraiment, il me demande ça veut dire ta gueule. Ben, je lui dis qu'il ferme sa gueule. Oh, il vient, il me fout un coup de matraque sur le nez, là, quand même, il m'a gratté le nez. Hein. Après, je tombe par terre avec la crosse, il m'a défoncé le crâne. Là. Alors, j'étais par terre, quoi, dans le coma, sans lui. Alors, ça a mariné un Alsacien qui m'a ramassé, il m'a ramené à la baraque ses épaules. Alors, quand il a cassé le crâne, là, il y avait des petits bouts d'os, tu vois, qui étaient rentrés dans le crâne derrière. Il a cassé un bout de fil d'affaires, puis il a retiré le bout d'os, quoi. Et petit à petit, ben, je me suis remis. Ouais. Après, ils m'ont mis à vider les wagons à la gare. C'est de là que je me suis évadé, là. Ouais. Puis après, bon, ben, je suis évadé, c'était le 14 juin, je crois. Le 16, le 16, j'étais dans la résistance. Alors, après, on a fait, bon, du sabotage, on a fait un peu de poisson comme mes copains. Puis on a sauté les camions, on a fait sauter un char, juste devant le bistrot. Là, on s'est caché dans la cheminée. On ne se cache pas dans la cheminée, on est pris, hein. La cheminée, là, à Olida, là, où qui fumait les jambons, là, à Épinay, là. On a ouvert la trappe, on a monté dans la cheminée, on les a refendus que le soir. Ils croyaient tous qu'on était pris, hein. Ouais. Ah si, on a fait des conneries, là. Enfin, des conneries, là. Ouais. Moi, je sais pas. Hein? Oui, c'est vrai. Et vous avez retrouvé votre famille quand? Oh, 10 ans après. Moi, je cherchais en France et mon père aussi. Hein, je demandais des nouvelles et il était en Belgique. Il avait des frères et des sœurs en Belgique. Ça fait qu'il a retrouvé ses frères là-bas, puis ils ont payé une caravane, un cheval. Et puis... Mais en 1943, la guerre n'était pas finie Non, mais c'est mon frère, il a fait des faux papiers. Comme quoi qu'il avait loué une maison et... Enfin, il s'est débrouillé pour les faire sortir, quoi. On a sauvé notre peau, tu vois. Ouais. Que quand vous voyez des copains tomber à côté de vous, ça, c'est pas moyen de les chercher. Hein. Ben non, on s'est mitraillé. Hein. Viens me chercher. Ouais. Ben, ben. Et le remerciement, tout juste, on est français, quoi. Si on est français, comme on est sur les drapeaux. Là, on est français. Hein. Ouais. Prise de son. Mathieu Perrault, Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Résistance Tigane, une émission de Claire Pouliborgeot et Angélique Thibault. La suite du documentaire Résistance Tigane, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.